ça j'ai aucune idée. Ça moi je peux pas vous dire, ça je suis pas du quartier, ça c'est pas mon secteur, ça c'est pas impossible, ça faut demander au chef, ça je suis pas au courant, ça j'en ai jamais vu, mais où t'as pêché ça? Où est-ce qu'il va chercher ça? Ça c'est pas du gâteau, ça c'est pas du tout cuit. Ça non mais tu rigoles, ça mais c'est pas croyable. Ça c'est du baratin, ça on en voit partout. Ça je veux pas de ça chez moi, ça je voudrais bien voir ça. Ça non mais t'entends ça, ça franchement il faut le faire. Ah ça c'est la meilleure, ah ça tu peux être fier. Ah ça c'est réussi, ah ben ça c'est le bouquet. Ça ça devait arriver, ça c'est toujours comme ça. Ça moi ça m'étonne pas, c'est pas ça qui l'étouffe. Lui mais il pense qu'à ça, ça ça finira mal. Ah ça on sait jamais, oui ça c'est déjà vu. Et remettez-nous ça, ça j'en ai jusque là, ça tu me la copieras. Si c'était pour faire ça, si vous le prenez comme ça, alors on fait comme ça. Ah bon ben c'est pas tout ça, on fait comme on a dit. C'est pas impossible de demander au chef. Je suis pas au courant, j'en ai jamais eu.